Aujourd'hui, on va se focaliser sur une chose qui, malheureusement, est très fréquente. Ça concerne le sentimentalisme, la séduction envers les choses entre guillemets futiles plutôt que les arguments, et la fausse hiérarchisation des péchés. Je m'explique. On vit dans une atmosphère dans laquelle beaucoup, j'exagère, on va dire, certains musulmans sont plus séduits par un discours courtois, poli, un bon comportement. Mais bien sûr, hein, le bon comportement fait partie de l'islam, le comportement fait partie de la pudeur. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle le pilier fondamental. C'est une sorte d'accessoire, ça fait partie, mais ce n'est pas le pilier fondamental. Pourquoi? Parce que ce sont les arguments les plus importants. Je m'explique. Donc, comme je disais, certains musulmans sont plus séduits par un discours, entre guillemets, où on va sortir les violons à la Francis Lalanne, hein, plutôt que par les arguments. C'est-à-dire, un exemple tout simple. Vous prenez un cheikh, un docteur, qui a de grands bagages scientifiques, hein. Contrairement à moi. Et moi, je ne l'ai pas dit peut-être dans les autres vidéos, mais moi, je suis personne. Je suis personne, je me prends. En aucun cas, je me suis pris pour un prédicateur ou quoi que ce soit, il manquerait plus que ça. Mais à un moment donné, quand je vois, que ce soit sur le net ou dehors, excusez-moi, j'ai pas envie d'être hypocrite, je vais être honnête. C'est abusé le nombre de gens qui ne connaissent pas leur religion. C'est abusé. Il y en a beaucoup qui croient que voter pour un système démocratique fait partie de l'islam. Se moquer du dîn, ce n'est pas une chose qui fait sortir de l'islam. Ils ignorent les annulations de l'islam, al-nawaqid de l'islam. Ils ignorent le tawhid, ils ignorent le kufr bit-taghut. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, excusez-moi d'expliquer à certaines personnes ce qu'un gamin yéménite de 6 ans comprend. Tu vois, je ne suis pas en train de m'endosser le rôle d'un prédicateur ou quoi que ce soit. Je suis personne. Je suis un ignorant parmi des millions d'ignorants. Et bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que les savants, ce sont les héritiers du prophète. Et je reviens aux savants, c'est clair. Voilà qu'à un moment donné, moi, je me dis, ce que je suis en train de dire là dans ces audios, j'ai du bénéfice parce que je gagne des hasanat. Voilà, c'est tout. Après, les gens, s'ils écoutent, après, ils font leur recherche de leur côté, c'est bien. S'ils critiquent, ben, chacun sa tombe. Moi, personnellement, je m'en fiche. Voilà, je vais pas être hypocrite. Je suis honnête, je m'en fiche. Dans le sens où j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein? Parce que malheur à celui qui sait une chose et qui n'a pas prévenu les autres. Voilà, maintenant, c'est aussi simple que ça. Bref, pour revenir à ce que je disais, on va prendre un exemple. On prend un prédicateur, un grand savant qui a un grand cursus théologique, beaucoup de bagages scientifiques, et que dans sa manière de s'exprimer, dans son éloquence, on va dire qu'il est un peu agressif, d'accord? Agressif, il crie beaucoup, etc. Il bouge beaucoup les mains, tu vois, sa manière physique de parler, etc. On va dire qu'elle est un peu, entre guillemets, hors norme, hein, selon le politiquement correct, d'accord? Ensuite, à côté, on prend une personne qui parle agréablement, de façon posée, calme, oh ma soeur, oh mon frère, ce qui est bien, mais qui appelle au shirk. Il appelle à l'association envers Allah. D'accord? Il appelle à des choses très graves. Malheureusement, beaucoup de personnes vont plus être, comment dire, séduits et suivre ce genre de discours plutôt que les arguments que le premier exemple que j'ai cité a donné. C'est-à-dire que les gens. C'est une sorte de sentimentalisme. Le sentimentalisme, l'émotion ont remplacé les arguments. C'est ça le problème. Moi personnellement, vous allez me dire, il est complètement malade. Mais moi, je m'en fiche de la personne. Moi, ce qui m'importe, ce sont les preuves. Et pourquoi vous allez me dire que je suis un malade? Par exemple, quelqu'un qui vient devant moi avec un chapeau de cow-boy, je sais pas, c'est un fou, il a un ukulélé ou je sais pas quoi dans son sac. Il a vraiment une tête de fou. Mais il me ramène, par Allah, par Rasoul, des preuves d'Allah, des preuves du prophète, avec à la compréhension des salaf salih, avec des paroles de savants, des grands érudits de l'islam, tels Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qadama al-Maqdisi, Shanqiti et d'autres. Et un autre qui, on va dire, qui a une apparence musulmane, qui est plus posée et tout, mais qui ne ramène que du vent, sa propre interprétation, et qui amène au shirk, je prends de la personne qui est habillée comme un fou. C'est aussi simplement que ça. Je m'en fiche, moi. Je suis pas un sentimental. Je tombe pas dans le sentimentalisme. Je tombe pas dans l'émotion. Je m'en fiche, moi, de l'émotion. Moi, ce qui m'importe, ce sont les arguments. Les arguments. Kitab Allah, le livre du Seigneur, le livre d'Allah, la parole du prophète, celle des compagnons et celle des savants anciens comme contemporains qui, bien sûr, sont en coordonnance avec le Coran et la Sunna. C'est ce qui m'importe, les preuves. On doit, le musulman doit fonctionner avec les preuves et pas les émotions. Et malheureusement, la majorité des musulmans, enfin la majorité, une grande partie des musulmans, ils tombent dans ce piège-là. Mais il y a même des témoins de Jéhovah qui ont un bon comportement. Il y a même des mouchriquins, des associateurs, des adorateurs du feu, des zaydites, la secte des zaydiyas qui peuvent aussi avoir un bon comportement. Ça veut rien dire. Certes, le bon comportement fait partie de l'islam, mais il faut pas se focaliser que sur ça. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils n'aiment que l'apparence, le superficiel, le bon comportement, mais les arguments, ils sont où? Une fois que tu toques là-dedans, où sont les arguments? C'est ça la chose. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je lis les livres de Abou Mohamed al-Maqdisi, du cheikh Abou Mohamed al-Maqdisi, les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livres, mais qui sont plutôt habitués à, je sais pas moi, écouter Tariq Ramadan ou Hassan Kuhsan ou Malik Chebel ou je sais pas qui d'autre, c'est normal qu'ils vont être un peu choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais Abou Mohamed al-Maqdisi, dans ses livres, quand il fait des réfutations, et les réfutations, le fait de mettre en garde, c'est pas quelque chose qui date que d'aujourd'hui. Hein, depuis les Sahaba jusqu'à maintenant, depuis les Tabi'in jusqu'à maintenant, depuis les Tabi Tabi'in jusqu'à maintenant, depuis les quatre Madahib jusqu'à maintenant, depuis les Khalaf jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des livres de réfutation, que ce soit contre un groupe hérétique, contre des individus et ainsi de suite. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, par exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire des livres de réfutation et qui va lire par exemple un livre de Abou Mohamed al-Maqdisi quand il réfute la pseudo-argumentation des démocrates par rapport au système démocratique, en prenant l'exemple de Youssouf, du prophète Youssouf, du prophète Youssef, Joseph pour les chrétiens, quand il a dit comme quoi il est rentré à la place dans la structure étatique du roi, donc il est permis à nous musulmans de rentrer dans la structure étatique dite démocratique des occidentaux et ainsi de suite, il réfute ce genre de choses. Mais peut-être qu'il est sec dans sa façon de parler, mais moi ce qui m'importe, ce sont les arguments qu'il ramène. Des arguments. Par exemple, quand on prend les arguments de ceux qui, les pseudo-démocrates, etc., anti-théocratiques, l'islam c'est juste dans le domaine privé, quand vous lisez leurs livres, il n'y a aucun argument structuré, il n'y a aucun. On prend quelques traditions prophétiques, sans charge, sans explication, on délaisse la parole des vrais savants et on fait sa propre opinion. Voilà ce qu'il y a dans ces livres-là. Tandis que dans les livres, dans les tomes, ce n'est même pas des livres, ce sont des tomes, dans les tomes des érudits qui, par exemple, condamnent fermement la structure démocratique telle qu'elle est actuellement, et ainsi de suite, ils ramènent des arguments. Ils ramènent que ça. Donc le problème, c'est que les gens tombent dans le sentimentalisme. Il y a une fausse hiérarchisation des péchés, c'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui va insulter ou qui va avoir un comportement un peu nerveux, c'est plus grave que le shirk, alors que ça doit être le contraire. On doit plus être choqué par le shirk que par la vulgarité, par exemple. Moi, je préfère, même si bien sûr préférence il n'y a pas, mais dans ce contexte, je préfère quelqu'un qui insulte mais qui ne fait pas de shirk, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais insulté de sa vie, mais qui passe son temps à adorer des tombes, ou associer Allah dans le jugement, ou ainsi de suite. Car Allah dans le Coran, il dit quoi? Il dit qu'il pardonne tout, sauf le shirk. Il n'a pas dit qu'il pardonne tout, sauf la vulgarité. D'accord? Il n'a pas dit qu'il pardonne tout, sauf le bon comportement. Mais bien sûr, après, j'ai jamais légitimé la vulgarité, ou bien le bon comportement, ou ainsi de suite. Mais il faut être juste. La hiérarchisation des péchés, elle doit être juste. C'est le shirk qui est le plus grave. C'est le shirk dont on doit être étonné et choqué le plus. On ne doit pas être choqué par quelqu'un qui est vulgaire. Bien sûr, après on va me dire que je suis un misogyne ou quoi que ce soit, mais par exemple les femmes, c'est un peu normal. Je vise pas toutes les femmes, mais les femmes, c'est un peu normal qu'elles soient choquées par quelqu'un de vulgaire et qu'elles laissent passer le shirk parce que voilà, les femmes, l'émotion, les sentiments, etc. Mais pas toutes, voilà. Mais une fois qu'elles sont raisonnées, tout, on leur amène des preuves, d'accord. Mais moi, ce qui me choque, ce sont les hommes. Un homme qui est choqué, un homme sentimental, il est choqué par la vulgarité et le shirk, il s'en fiche. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est totalement grave. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Hein? Le prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ma propre fille, Fatima, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et dans le Muslim, ma propre fille Fatima, si elle volerait, je lui couperais la main. Si elle volerait, je lui couperais la main. Bien sûr, ça s'est pas fait. Fatima n'a jamais volé. Le prophète n'a pas appliqué ce hadith, n'a pas appliqué ce hukm. Mais ceux qui ont expliqué cette parole du prophète, hein, et parmi ceux-là il y a An-Nawawi ou bien même Al-Bukhari lui-même, Ibn Taymiyyah, on va faire de notre propre essence, c'est-à-dire qu'on va délaisser les arguments théologiques et suivre nos passions. Et Allah, dans le Coran, il met plusieurs fois en garde contre les passions. C'est ça le problème. C'est que quand le prophète a, voulu, a dit cette parole, si ma propre fille Fatima, je lui volerais, je lui couperais la main, dans le sens où, pour le prophète, Allah est au-dessus de tout, sa loi est au-dessus de tout, donc même sa propre fille lui appliquerait le hukm d'Allah. Et de toute façon, même si ça aurait été le cas, Fatima aurait volé, elle serait venue d'elle-même, car Fatima craignait beaucoup Allah. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir que les sentiments, la passion, etc., on doit la mettre en arrière et on doit se focaliser sur les arguments et sur l'amour envers Allah, la crainte envers Allah et l'unifier lui seul. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme. Beaucoup de personnes tombent là-dedans. C'est pas croyable. À un moment donné, ça donne quoi? Ça donne des musulmans bisounours, des musulmans liked. Et je vais même aller plus loin, c'est à cause des pseudo-modérés, des prédicateurs dont je tairai le nom, que ces chiens ont caricaturé le prophète. Que ces chiens passent leur temps à insulter l'islam, et ainsi de suite, par ignorance, parce qu'on sait très bien que les plus incultes parmi les non-musulmans passent leur temps à dénigrer l'islam, tandis que les plus cultivés parmi les non-musulmans passent leur temps à trouver des vérités dans l'islam, voire se convertir. Donc ça ne m'étonne pas. C'est souvent les beaufs ou bien les petits cons, excusez-moi du terme, qui ont un bac plus 4 en biologie, qui se permettent de faire des réfutations, hein, ou bien des adolescents boutonneux fans de hard rock, là. Alors que d'un autre côté, tu as parmi les non-musulmans des montagnes, des références en sciences, que ce soit biologique et d'autres, qui, eux, par contre, retrouvent des vérités dans l'islam, voire se convertissent. Donc, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, donc pour revenir à ce que je disais, c'est à cause de ces pseudo-modérés que ces gens-là ont caricaturé le prophète. Pourquoi? Parce que maintenant, les modérés, ils se la jouent bisounours, ils se la jouent liked. Leur fonds de commerce, hein, leur fonds de séduction se base sur quoi? Sur le bon comportement. « Oh, toi, ma sœur, oh, toi, mon frère, on va prendre un jumpa, et le violon, la Francis Lalanne, et ainsi de suite. » Et les arguments, on les laisse. « Mais tu peux voter quand tu votes dans la structure démocratique, même si je ne juge pas que les lois d'Allah, il y a un contexte, son sien, l'année. » Excusez-moi du terme, c'est des conneries. C'est des conneries. Lisez La religion démocratie du Cheikh Abou Mohamed Maqdisi, du Cheikh Abdelrahman Al-Kharak, par rapport à l'obligation de l'application de la loi d'Allah, la théocratie. Zakir Naik, le docteur Zakir Naik, dont vous pouvez trouver des vidéos, et il a écrit des livres qui sont en arabe, en anglais, et qui sont aussi traduits en français sur le net, et ainsi de suite. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu-là, dans ce piège-là. Il faut avoir un cerveau. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme. Aussi simplement que ça. Nous, ce qu'on voit, ce sont les arguments. D'accord? Et en général, ceux qui me réfutent, je suis personne, mais qui réfutent ces savants-là, c'est toujours la même chose. Il faut pas juger. En fait, ils vont essayer de trouver la petite bête. Je vous explique. Quand quelqu'un n'arrive pas à argumenter contre quelqu'un, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver la petite bête. L'autre jour, jeudi à 14h, je t'ai vu parler avec une fille. C'est haram de parler avec une fille. Tu vois, ils sont bêtes. Voilà, c'est vrai. Ils sont bêtes. Ils cherchent toujours la petite bête parce qu'ils savent pas argumenter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche. Même si le type, il est ami avec Walker Texas Ranger et il joue du ukulélé, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, ce sont les arguments. Lui, après, il va mourir. Il va être dans sa tombe. Tu vas être dans ta tombe. Tu t'en fiches. Ça va être chacun pour soi le jour dernier. Mais prends les arguments. Il y a un sahabi qui a dit que même si Shaitan, il me ramène des preuves, je les prends. Même si Shaitan, et moi, j'irai plus loin. Même si Bush me ramène des preuves, je les prends. Si ces preuves viennent du Coran et de la Sunna. Parce qu'on s'en fiche de l'étiquette de la personne ou quoi que ce soit. Bien sûr, le comportement est. Et je vais pas arrêter de le dire, le comportement fait partie du din, d'accord? J'ai jamais dit que j'avais un très bon comportement, ou ainsi de suite, bien sûr. Et j'ai jamais fait istihalal, j'ai jamais rendu halal ma façon, mon mauvais comportement, entre guillemets. Mais il faut pas tomber et se focaliser que sur ça. Suivre les arguments, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand le prophète a dit que ma propre fille Fatima, je lui couperais la main si elle volerait, ça veut tout dire. Ça veut dire que le prophète n'est pas tombé dans le sentimentalisme. Il n'est pas tombé sur la raison, sur l'amour aveugle qui fait qu'il va renier les enseignements d'Allah. Non, ça veut tout dire. Ça veut extrêmement tout dire. C'est-à-dire que le sentimentalisme, on le met de côté. D'accord? Donc, la prochaine fois, si maintenant vous écoutez, je sais pas moi, Zakir Naik, d'accord, ou bien Khalid Yassin, ou bien Mohamed Hassan, d'accord. Mohamed Hassan, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un chir égyptien qui a une éloquence, il est posé quand il parle, etc. Et il dit des vérités. Ça, c'est un des savants que j'écoute, par exemple. Il dit des vérités. Et t'en as d'autres, plus comme du genre Khalid Yassin, D'accord? Du genre Khalid Yassine, qui sont un peu plus, on va dire, pas hardcore, on va dire un peu plus sec. Mais moi, on va dire, enfin, voilà quoi, j'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas dans un contexte, je suis pas dans une optique où, voilà, on va tous être bisounours et ainsi de suite. Non. Voilà. Bien sûr, moi, ce qui m'importe, c'est les arguments qu'il ramène. Et alhamdoulilah, encore heureux que Khalid Yassine ramène des bons arguments, sinon je ne l'écouterai pas. Mais en même temps, le fait qu'il soit sec et tout, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on est dans un contexte où les musulmans ont perdu leur fierté. Les musulmans sont devenus des bisounours. C'est pour ça que les Occidentaux ont caricaturé le prophète. On est devenus des bisounours, on n'a plus de fierté. Alors que Omar ibn Khattab, son armée, était craint à 40 ans de marche. D'accord? Rapporté par At-Tabari, Khalid ibn al-Walid, ils étaient même pas plus de 200 000 personnes, ils ont réussi à vaincre l'empire de Rome qui était descendu à Perse, la Perse Al-Sham qui était l'ancienne Syrie, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient une fierté, c'était des gens fiers. D'accord? Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont perdu cette fierté, toujours à jouer les modérés, à jouer la langue de bois, pour pas blesser le maître blanc. On va dire que la charia, c'est dans un contexte, et puis on va jouer les Molières ou les Voltaire du service, hein. Oui, dans un contexte qui fait qu'en fait, la charia, c'est dans le cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est dans le cœur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces gens-là, à un moment donné, tu pètes un câble. Le Coran, du premier au dernier verset, montre clairement que la religion est un tout. Faut arrêter d'être bête, la religion est un tout. Et la sunna aussi le détail. Donc à un moment donné, faut arrêter. On s'en fiche du maître blanc constant. Mais je m'en fiche, moi, des Constantins. Quand je parle des Constantins, c'est pas du racisme. Mais c'est pour montrer, entre guillemets, le gaulois islamophobe qui, bien sûr, veut soumettre le musulman, le petit musulman immigré, à sa loi, à sa vision de la vie. Non, c'est pas comme ça. Le musulman est fier. Le musulman est fier. C'est aussi simple que ça. De toute façon, Allah dans le Coran, il nous dit clairement dans un verset qui n'a pas été abrogé, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de vous tant que vous ne serez pas comme eux. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois des chrétiens, enfin, des chrétiens, des humanistes, ou des juifs, ou des pseudo-musulmans démocrates qui sont contre mes avis, c'est pas mes avis, l'avis des savants que j'emprunte, c'est normal, je suis rassuré, ça me rassure dans ma foi. Parce que le jour où un chrétien anti-sharia, un chrétien qui est contre le système du khalifa qui va bientôt venir, inshallah, qui est rapporté dans Sunan Ahmed, la prédiction du prophète, qui a parlé du temps actuel dans lequel on vit, enfin bref, quand ces gens-là sont contre ce que je dis, ou ce que les savants que j'écoute disent, ben ça me rassure. Car Allah dans le Coran, il a été clair. On a été prévenu. Il faut arrêter de jouer les naïfs, on a été prévenu. C'est pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. Le juif, le chrétien, tu le respectes. D'accord? Si tu vois un vieux chrétien qui a du mal à traverser la rue, tu vas l'aider. Et ainsi de suite. Mais, tu sais que toi, le jour où tu vas vouloir, par exemple, appliquer ta religion, mettre un système califat, le système du califat dans nos pays respectifs, lui, il sera contre. Tu vois? Lui, si tu prends, je sais pas moi, un petit verre d'alcool devant lui, il sera plus satisfait que si tu refuses son offre. Tu vois, à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc maintenant où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de notre religion. D'accord? C'est comme moi, dans mon club de boxe, mon ancien entraîneur, c'était un musulman. Mais moi, quand je rentrais et que je disais salam alaikum, il me prenait à part, il me disait, non, faut pas dire salam alaikum parce qu'il y a des Belges avec nous, tu vois, il y a des non-musulmans avec nous qui s'entraînent et qui vont mal le prendre, par exemple. Je lui fais, mais comment ça? Ils vont mal le prendre. Que la paix soit sur toi, il est où le problème, la traduction, que la paix soit sur toi, il est où le problème? Je suis fier d'être musulman, je dis salam alaikum, t'es un musulman? Non, tu me réponds alaikum salam, c'est une tradition prophétique. Après, si lui qui est à côté, il est pas bête, il sait très bien que les musulmans entre eux disent salam alaikum, c'est une fierté. Pourquoi avoir perdu cette fierté? Enfin bref, il reste plus rien. Juste pour conclure, il ne faut pas tomber dans les émotions, dans le sentiment et perdre la fierté, d'accord? Il ne faut pas avoir honte de sa religion. D'accord? La religion est comme ça, l'islam est comme ça. Et quoi? D'accord? Le Constantin qui va te dire oui, mais, ou bien la féministe, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'es pas d'accord avec ce qu'il y a dans le Coran? Et alors? Bien sûr, il faut les exhorter avec la bonne parole. D'accord? Mais il faut que ça soit relatif. Si la personne vient et t'agresse directement en disant oui, ton Allah a dit ça, ton Allah a dit ça, tu vas lui répondre d'une manière, car t'appliques la loi du talion. Par contre, celui qui veut débattre, hein, avec structure, un débat théologique bien organisé, là, bien sûr, ton ton va être plus sage et tu lui expliques les preuves. C'est simple que ça. Voilà. I have a dream.